Chapitre 22e. Le premier témoin introduit fut Florence. Elle fut accueillie par un murmure de curiosité. Cette vieille femme, qui représentait à elle seule la famille et les amis de la victime, inspirait une grande pitié. La question qui agitait le plus le public était de savoir si sa déposition serait favorable ou défavorable à André. Elle s'avança d'un pas inégal, mais avec beaucoup de courage. Évidemment, elle se sentait un devoir à remplir en conscience. Ses premières réponses furent insignifiantes et désappointèrent les auditeurs, qui avaient espéré de plus amples éclaircissements sur la vie et les habitudes de Rose. Tout à coup, on fit silence. Le président venait de poser une question de la plus haute importance. « Quels étaient les rapports entre votre maîtresse et son mari ?» La vieille femme hésita. Son assurance venait de disparaître en un instant. Fallait-il dire la vérité au risque de charger André ou la terre au risque de le contredire? Cette hésitation fut remarquée de tout le monde. Le président répéta sa question. « J'avais entendu, monsieur, » répondit Florence. « Ils vivaient comme mari et femme en bonne intelligence. N'y a-t-il jamais eu entre eux de scènes violentes? Monsieur était trop bien élevé pour se permettre de pareilles choses. Mais à Trouville, il a fait des reproches assez vifs. La propriétaire de leur appartement l'a affirmé. Cela peut arriver dans tous les ménages, monsieur. Mais monsieur André aimait sa femme. Sans cela, il ne l'aurait pas épousée. Et elle l'aimait. Si madame n'avait pas aimé monsieur, elle ne l'aurait pas épousée non plus, répondit la fidèle servante. Elle était assez jolie et assez aimable pour épouser celui qu'elle préférait. Racontez-nous ce qui a précédé le départ de votre maîtresse pour la Belgique. Je n'ai rien à raconter, monsieur le président. Madame recevait régulièrement des lettres de monsieur qui était absent. Un jour, elle m'a dit de préparer son sac de voyage. J'ai obéi. Elle est partie là-dessus, pour Paris. Je ne sais pas si elle était ailleurs. Vous n'en avez plus de nouvelles? Non. Jusqu'au retour de monsieur André. C'est le docteur Langlois qui m'a parlé. Il m'a dit que madame s'était suicidée en pays étranger. L'émotion coupa la parole à la vieille femme qui s'arrêta pour respirer. Elle reprit haleine et continua. Il m'a dit aussi que madame avait voulu tuer monsieur. Monsieur avait une blessure, c'est vrai. Pendant plusieurs jours, il y a eu un peu de sang à son linge. Qu'avez-vous pensé alors? J'ai pensé que c'était vrai, monsieur. Votre maîtresse était donc emportée? Oui, monsieur, quoiqu'elle fût malgré cela bien bonne et bien généreuse. Vous n'avez jamais eu l'idée qu'André pouvait avoir tué sa femme dans un mouvement de colère? Florence resta silencieuse. Vous avez juré de dire toute la vérité, insista le président en levant sa main pour lui rappeler la solennité de son serment. J'ai pensé, monsieur, que monsieur André aimait sa femme et qu'alors... Eh bien non, monsieur. Ce que j'ai pensé ne regarde que moi et je n'ai rien à dire. Marguerite se leva, sa sœur la retint et la fit se rasseoir. Tout le sang de la jeune fille empourprait ses joues et aveuglait ses yeux. Une émotion profonde passa dans le public à cette réponse qui condamnait André. Florence l'avait compris. Elle refusa dès lors de répondre et il fallut passer à l'audition de nouveaux témoins. Parmi ceux-ci se trouva la maîtresse de l'auberge de Dauphrigny, dont la déposition fut accablante pour André. Le malheureux jeune homme, emmené puis ramené 20 fois, confronté avec des gens qu'il ne voulait pas avoir vus dans des circonstances accablantes pour lui, ne trouva quelque force de résistance qu'au moment où le petit domestique de l'auberge qu'il avait vu le dernier affirma qu'il avait poussé Rose dans le fleuve. « J'ai vu leurs ombres, » disait-il avec une ténacité singulière. « C'est leur silhouette qu'il voulait dire, mais... » Il ne connaissait pas ce mot. Le monsieur a poussé la dame qui est tombée. « Vous mentez !» s'écria André d'une voix tonnante. « Quel intérêt aurait-il à mentir ?» demanda un juré. « Il m'avait soustrait diverses bagatelles et je l'avais menacé de lui tirer les oreilles s'il recommençait, » dit André. « Remarquez, » fit observer le président, « que la déposition du témoin deviendrait alors, à votre sens, une effroyable vengeance. »« Je ne dis pas cela, » répondit l'accusé, soudainement calmé. Ce garçon, que j'ai parfaitement vu d'ailleurs au moment de l'accident, était trop loin pour se rendre compte de mes mouvements d'une façon exacte. Il ne m'aimait pas, il m'a cru coupable et il parle selon sa conscience. Rien n'est plus naturel. L'auditoire faillit crier bravo. Les réponses des accusés devant les cours d'assises sont rarement empreintes de tant de sagesse et de résignation. L'avocat d'André sentit que son client regagnait du terrain. Où avez-vous ramassé ce petit poignard ? Demanda le président au témoin en lui montrant le stylet de Rose. « Pas loin du bord, là où j'avais vu le monsieur causer avec le petit jeune homme qui s'est trouvé avec sa dame. Était-il taché de sang ? Je n'en suis pas sûr, monsieur le président. Il était mouillé, mais la pluie tombait et c'était sur l'herbe. Il aurait pu être taché de sang tout de même et je ne m'en serais pas aperçu. Ou bien la pluie l'aurait lavé. Vous persistez à soutenir, reprit le président en s'adressant à André, que votre femme vous a frappé avec cette arme. Comment pourrait-il en être autrement ? Répondit l'ingénieur, puisque je porte la trace de la blessure. L'accusation est d'un autre avis. Elle dit que vous pourriez avoir frappé votre femme avec ce poignard, puis vous être blessé légèrement vous-même pour détourner les soupçons. André pâlit. Il n'avait pas prévu cela. La lecture de l'acte d'accusation avait glissé sur son esprit fatigué sans y laisser de trace. Et il n'avait même pas entendu le paragraphe auquel le président venait de faire allusion. Son courage le revint en un instant. Il comprit qu'il était là pour défendre sa vie, ou tout au moins sa liberté. Que personne ne la défendrait mieux que lui-même, et que ne fût-ce que pour Marguerite, il devait employer désormais toute son énergie à combattre les ennemis inattendus qui se dressaient devant lui. Détourner les soupçons ? Répéta-t-il avec dédain. Alors je me serais fait une blessure sur le lieu du malheur, et j'aurais jeté l'arme afin qu'elle fût retrouvée et servie un jour contre moi. Ce serait bien peu de prévoyance, en vérité. Il eût été si simple de la jeter aussi dans la Meuse. Le fleuve ne l'eût pas rendu, pas plus qu'il n'a rendu le corps de cette malheureuse femme. Des applaudissements partirent de plusieurs points de la salle. Les huissiers rétablirent l'ordre et André reprit de la même voix ferme et vibrante qui portait au loin. Ce poignard est resté à Chartres. C'est ma femme qui l'a apporté. Interrogez sa servante, elle doit pouvoir le dire. Florence fut rappelée. Ce poignard était-il resté à Chartres pendant l'absence de votre maître ? Lui fut-il demandé. Je ne sais pas, fit-il en hésitant. Il me paraît l'avoir vu sur le bureau de madame, mais je n'en suis pas sûr. Depuis le départ d'André, je ne peux pas vous dire, monsieur, je n'y ai pas fait attention. Florence, dit André d'un ton ferme, rappelez-vous, cela en vaut la peine. La vieille femme le regarda d'un air inquiet. Je n'en suis pas sûr, monsieur, répéta-t-elle. Madame s'en servait pour couper du papier, mais je n'ai pas remarqué si elle l'avait encore pendant que vous étiez en pays étranger. Mais vous savez bien que je ne m'en servais jamais. J'avais d'autres coupe-papier dans mon cabinet. Je ne crois pas l'avoir jamais touché. Cela est vrai, monsieur, c'est madame qui s'en servait. Si je l'avais emporté, elle se serait aperçue qu'il lui manquait. Vous l'a-t-elle demandé après mon départ ? Non, monsieur, elle m'en a pas parlé. Tout ceci n'éclaircissait pas beaucoup la question. Le reste des débats fut condamné à la même obscurité. Contrairement à l'avis de son avocat, André avait refusé de faire citer les témoins qui auraient pu donner quelques détails sur le séjour de Rose à Paris. Il savait bien qu'en faisant rechercher Gérard Pornic et ceux qui le connaissaient, il eût facilement établi en sa faveur un tel courant de sympathie que les circonstances atténuantes lui eussent assuré la faveur du jury, peut-être même un verdict d'acquittement. Mais la honte de Rose fut retombée sur lui. Et, par contre, sur Marguerite. Il préférait tout à cela. En outre, entendre parler librement de son déshonneur lui semblait suffisamment dur, sans qu'il en apportât lui-même la preuve devant l'opinion publique. Les avocats donnèrent carrière à leur éloquence. André, abattu, les yeux fermés, écoutait les phrases sonores et creuses se dérouler comme des rubans. Il se demandait ce que toute cette littérature avait de commun avec le destin d'un honnête homme, injustement accusé. La nuit était venue depuis longtemps. Une partie du public, fatigué, avait été remplacée par de nouveaux curieux, et dans la grande salle, un murmure étouffé de respiration pesante faisait une sorte d'accompagnement au discours de l'orateur. L'avocat général se leva pour prononcer le réquisitoire. Il retraça en quelques phrases le drame de Daufrigny, sur lequel aucune lumière ne semblait jamais devoir se faire. Les témoignages de tous ceux qui connaissaient André s'accordaient, il est vrai, pour représenter l'accusé comme un homme parfaitement honorable, mais nul n'est à l'abri des sentiments de jalousie, et le meurtrier ne pouvait pourtant pas être absous par la loi. À ce moment de la plaidoirie, une carte fut remise au président. Il y jeta les yeux et la fit passer à son voisin avec un geste de stupeur. L'avocat général s'arrêta, attendant pour reprendre que le calme se fût rétabli. Mais l'agitation s'était communiquée au jury et dans la salle même, un nom courait déjà de bouche en bouche. Rose Rosier. Le président se leva. Un fait sans précédent se présente, dit-il. Un témoin nouveau demande à se faire entendre et vu l'importance de ce témoin, je crois nécessaire de l'admettre immédiatement. » Un huissier introduisit au même moment une jeune femme qui releva son voile et se dirigea vers André la main tendue. « Je ne pouvais pas vous laisser condamner, » dit-elle. Un cri s'éleva de toutes parts, avec le nom de l'actrice, dont les portraits depuis 8 jours s'étaient vendus par milliers. André la regardait avec des yeux égarés, pendant que des applaudissements tumultueux éclataient de toutes parts. « Je n'ai jamais eu tant de succès au théâtre, » dit Rose à demi-voix, avec l'air railleur qui lui était particulier. « Je vous demande pardon, » dit-elle à son mari, pendant que le tumulte irrépressible couvrait le bruit de ses paroles. « Je n'avais pas l'intention de vous troubler jamais de mon existence. Mais, monsieur, » elle indiquait l'avocat général qui la regardait d'un air stupéfait, « monsieur me paraissait si résolu à vous causer du désagrément que je me suis décidé. » André fit un signe de tête et referma les yeux. Il eût peut-être préféré la mort, mais Rose avait agi dans une bonne intention. Pouvait-il le lui reprocher ? Vos noms et prénoms ? Demanda le président. Le silence se rétablit comme par miracle. Madeleine Sorel, femme André. Au théâtre, Rose Rosier. Qu'avez-vous à dire pour éclairer la justice ? Fit machinalement le président. Une foule envie de rire s'empara du banc des avocats. Que ce dénouement imprévu réjouissait, comme éminemment comique. Tant d'efforts pour prouver la culpabilité d'André, et la prétendue victime déposant comme témoin. Il y avait vraiment là de quoi rire. Rose ne se refusa pas d'ailleurs à éclairer la justice. « J'ai quitté Chartres, » dit-elle en indiquant soigneusement la date, « pour aller rejoindre en Belgique M. André, mon mari. J'ai été poussée par un violent désir de rentrer au théâtre, désir auquel mon mari avait toujours mis obstacle, et j'allais lui demander une dernière fois de me rendre ma liberté, bien décidé s'il refusait à m'enfuir, à changer de nom et à disparaître, momentanément du moins. Dans mon idée, ce voyage était une dernière tentative de conciliation. Pour rendre ma fuite plus facile, car j'étais bien sûr de refus, j'avais pris à Paris des habits de jeune garçon, que je revêtis pour gagner d'Offrigny. J'arrivais le soir, il commençait à faire nuit, et je rejoignis M. André à l'extrémité du plateau. Je lui demandai ma liberté, il me la refusa, et dans la violence de notre discussion, je lui portai un coup de stylet. Ce stylet a été retrouvé, à ce que j'ai appris, et j'ai bien regretté de l'avoir emporté, car j'aurais été tout aussi libre sans blesser M. André. Enfin, il n'est plus temps de penser à cela. Effrayé de ce que j'avais fait, croyant à la blessure grave, mortelle même, et d'ailleurs étant dans une disposition d'esprit tout à fait désespérée, je perdis la tête et je sautai dans la Meuse. Elle s'arrêta et regarda André. Immobile, le visage caché sous sa main, il suivait dans ses souvenirs les détails de ce drame horrible. La mémoire de Rose était fidèle. Mais pourquoi elle était-elle revenue ? « Comment se fait-il, » demanda le président, « que votre mari ne vous ait pas vu, s'il a fait les recherches minutieuses qu'il affirme avoir tentées ?»« C'est bien simple, » reprit Rose. « Me croyant noyé, il a cherché en descendant le courant. Or ma chute en eau profonde n'avait fait que m'étourdir, et en revenant à la surface, je retrouvais le désir de vivre. Je suis bonne nageuse, ainsi que peut le témoigner M. André. J'étais près du bord, j'y fus bientôt. Le rocher surplombait un peu le fleuve, je me trouvais dessous. J'entendis les cris d'André qui m'appelait, et je ne pensais plus qu'à l'éviter. « Mettez-vous, messieurs, » dit-elle en se tournant vers les jurés, « à la place d'une femme qui vient de donner un coup de poignard à son mari, et vous me comprendrez. » Je remontai donc le fleuve pendant qu'il le descendait. J'étais très fatigué, mouillé, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je fis ainsi 2 ou 3 kilomètres, et le chemin me semblait long. Je trouvai alors un bac, et je traversai le fleuve sur l'autre rive. Il y avait une auberge. La nuit était tout à fait venue, la pluie expliquait pourquoi j'étais mouillé. Je couchai dans cette auberge, et le lendemain je regagnai Namur. On me cherchait, je passais pour morte, et je me rendis en Angleterre puis en Amérique. Je pense que j'y serais resté, si je n'avais appris que ma victime passait pour mon meurtrier. Cela me parut trop injuste, et je suis revenu. On eût volontiers envahi le prétoire pour porter Rose en triomphe. Son amour des succès brillants dut se trouver satisfait ce jour-là. Pendant que le président rendait une ordonnance de non-lieu, André, levant la tête pour la première fois, regarda la place où avait été Marguerite. Elle avait disparu. « Monsieur Juste André, lui dit le président. « Vous êtes libre. » La foule s'ouvrit devant l'ingénieur. Il salua les juges et les jurés, serra la main de son avocat qui était venu le retrouver et fit deux pas. Les jambes lui manquèrent. Il s'appuya sur un banc pour se soutenir. Pendant ce temps, l'avocat avait offert son bras à Rose, qui paraissait assez ennuyée de sa personne. André sortit seul au milieu des cris et des applaudissements. Une voiture était avancée. « Quand pourrais-je vous voir ?» dit-il à Rose, qui se trouvait tout près de lui. « Quand vous voudrez, je suis à l'hôtel du Louvre, » répondit-elle. « Demain, alors, » fit-il sans la regarder. Il la salua froidement et monta dans la voiture. Une main saisit la sienne, et dans l'obscurité, il reconnut l'Anglois qui l'attendait. « Ah, mon ami !» s'écria André en laissant tomber sa tête sur l'épaule de cet ami fidèle. « Je suis bien malheureux. Je crois que j'aurais préféré une condamnation. » Le docteur lui serra la main en silence.